À Messine, au sud de l'Italie, dans le palais de Leonato, le gouverneur de cette ville, arrive Dom Pedro, prince d'Aragon, et Don Juan, son frère naturel. Le prince Dom Pedro ramène avec lui deux chevaliers qui ont participé à ses victoires militaires, Claudio, un noble florentin, et Bénédicte, un noble de Padoue qui s'est déjà arrêté à Messine. La nièce de Leonato, Béatrice, avait, de ce fait, déjà rencontré Bénédicte, si bien qu'à son arrivée, elle se moque de lui. Alors qu'on vient présenter Héro, la fille unique de Leonato, et ironiser sur sa paternité, même si Héro a la même tête que son père, Bénédicte intervient.